Section 62 de la lecture, tome 7e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lue par Zeyna. La lecture, tome 7e, section 62. L'éducation d'Achille. Suite par Charles Narry. Si Dieu vous prête vie, mon cher Achille, vous saurez un jour que les contes de fées sont les seules histoires vraies. Soyez bon, c'est la meilleure manière de faire croire à votre éternelle jeunesse. On ne devient méchant que lorsque l'on a été longtemps malheureux. Consultez les doigts de la femme qui vous intéresse. Si les troisièmes phalanges sont gonflées, méfiez-vous. Vous aurez du mal à la suivre, même avec de bonnes jambes. Car elle vivra pour le plaisir jusqu'au jour où elle en mourra. Soyez obligeant, même par intérêt. Il est rare qu'il ne soit pas plus profitable d'accorder une faveur que de la refuser. Ce qui prouve que vous ne devez pas vous marier tout à fait, c'est que vous n'êtes trompé que lorsque c'est votre femme légitime qui vous trompe. Si vous voulez réussir dans le monde, ayez l'air de prendre les femmes au sérieux. Consultez-les. Mais ne suivez pas leurs conseils. N'oubliez jamais qu'avec les femmes, la meilleure manière d'avoir raison, c'est d'avouer qu'on a tort. Ce n'est pas faire le bien qui est mal, c'est le faire sans discernement. Que penseriez-vous, par exemple, d'un homme qui glisserait discrètement un louis dans la main de M. Alphonse de Rothschild? Si vous voulez faire un chemin rapide, il faut, mon cher Achille, que votre vanité fasse patte de velours à la vanité des autres. Fin de section 62.